Mes ennemis, quand j'étais vivant, me disaient déjà assoiffé de sang, mon histoire en somme. Faite de carnage, de bataille et d'horreur, comme un épouvantail, mon nom faisait trembler de peur. Je sommeil du froid, mais la seule qui n'avait pas peur de moi. Celle que j'aimais autrefois. Seul, je vis la nuit, séparé du monde, tombé dans l'oubli, créature de l'ombre pour seule compagnie, loin de la lumière, à l'abri de ma tombe, dans un semblant de vie, chaque jour je sombre un peu dans la folie. Je maudis ciel qui t'ont pris, toi le sel de ma vie, et la soif irrésistible en vie. Comme une ombre je te suis, le soir quand vient la nuit, entends-tu mon appel? Je te cherche et tu me fuis, mais qu'est-ce qui m'a pris? Chasser une proie si cruelle.